27, activation orale, interrogation, est-ce que? Transformez chaque phrase déclarative que vous entendez en une phrase interrogative en ajoutant est-ce que ou est-ce que. Par exemple, vous entendez 1. Elle est malade. Et vous dites est-ce qu'elle est malade? Allons-y. 2. Robert est américain. Est-ce que Robert est américain? 3. Il est fils unique. Est-ce qu'il est fils unique? 4. Les parents de Robert ont de l'argent. Est-ce que les parents de Robert ont de l'argent? 5. Ils sont divorcés. Est-ce qu'ils sont divorcés? 6. La mère de Robert est remariée. Est-ce que la mère de Robert est remariée? 7. Robert va avoir des complexes. Est-ce que Robert va avoir des complexes?